Comment direz-vous « ils arriveront bientôt » ? Llegarán pronto. C'est ça, llegarán pronto. Hein? Ils arriveront bientôt. Et ils vont arriver bientôt, c'est... Van a llegar pronto. C'est ça, van a llegar pronto. Donc, ça c'est quand on emploie la construction avec aller. Mais il est important de connaître aussi les terminaisons du futur. Re, ras, ra, remos, ran, qui sont valables pour tous les verbes. Et comment dit-on « j'irai le voir » ? Iré. Très bien. Hein? Donc, ir, aller, iré, j'irai. Hein? Et si un verbe de mouvement est suivi d'un autre verbe, on met quoi entre les deux ? Ah, oui. Hein? On le met entre les deux verbes. Donc, j'irai le voir, c'est... Iré à... Très bien. Iré à. Hein? Alors, iré à le voir. Verlo. Bien. Iré à verlo. J'irai le voir. Hein? Iré à verlo. Dites maintenant, nous irons le voir. Vamos a... D'accord. Vamos a... Mais... Ir a... Ir a... Oui. Verlo. D'accord. Vamos a ir a verlo. C'est ça. Mais ça c'est nous allons aller le voir. Mais si vous employez le futur, comment direz-vous nous irons? Iremos. C'est ça. Hein? Donc, nous irons le voir. Iremos a verlo. Très bien. Iremos a verlo.